بسم الله الرحمن الرحيم. التوضيح المختصر على المنظومة البيقونية أي l'explication de البيقونية في علم الحديث مصطلح الحديث. Et on va étudier ensemble, inshallah ta'ala, le sharh de notre frère الشيخ Abu Hatim Saïd bin Da'as Al-Yafi'i rahmatullah alayhi. Tahmounir ibn Ahmad al-Maghribi, hafidhahullah ta'ala, cours numéro 4. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أخذنا في الدرس السابق القسم الأول وهو الحديث الصحيح فما هو الحديث الصحيح؟ نحن نغيز لتعريف الاصطلاح أما التعريف اللغوي سهل لكن نحن نغيز فهم هذه الاصطلاحات فما هو الحديث الصحيح عند أصحاب هذا الفن المصطلح مصطلح الحديث عندك هو ما يجمع الشروط الخمسة نعم هو ما يجمع شروط خمسة الشرط الأول اتصال الإسناد اتصال الإسناد ما معنى اتصال الإسناد هو أن سلام الإسناد من السقوط نعم من الانقطاع من السقط اتصال السند أي qu'il n'y a pas de coupure dans l'isnad. Ça c'est الشرط الأول. الثاني عندك الشرط الثاني عدالة من عدالة الراوي عدالة الراوي ما معنى هذا الراوي الذي يحدث الحديث نعم الذي يروي الحديث الراوي أي الرجل أو المرأة كنا الإسناد فيشترط في هذا الراوي أن يكون عادلا فما معنى العدالة؟ هذا ليس صفته هو متقي التقوى نعم كبائر ولا يستمر للصغار نعم العدل الذي يجتنب الكبائر ولم يصر على الصغائر رواية المبتدع vous verrez dans les prochains livres رواية المبتدع هي تفصيل بعض العلماء ils ont accepté بعض روايات المبتدع ils étaient connus بالصدق ils étaient connus بال de ne pas mentir ils ont accepté certains de leurs hadith comme بعض المرجئة بعض الخوارج et en tafsir بعض العلماء ils ont rejeté leur riwaya mutlaqa تفضل يعني في المعنى الراوي العادل يعني الشيخ مقبل زاد أن يأتي بالطاعات أحسنت أنه يأتي بالطاعات بقدر الاستطاعة نعم فاسي انتقيد طيب on l'avait cité في الدرس أحسنت الشرط الثالث après العدالة الأول اتصال السند ثم العدالة ثم toujours en rapport avec الراوي ضبط الراوي ضبط ضبط الراوي ضبط الراوي ما معنى ضبط الراوي يعني حفظه نعم أن يكون حافظا فالضبط الحفظ هنا سيدين فائدة أو إلى سيدين فائدة المؤلف الشيخ سعيد حفظه الله في الضبط رحمه الله في الضبط ينقسم إلى قسمين نعم ضبط ضبط نقلي يعني على ظهر القلب حفظ على ظهر الضبط كما اللي أبليه ضبط نقلي لا على ضبط صدر أيوة ضبط صدر ضبط صدر إيه سيكوا ضبط صدر يعني أنه حفظ المتن على ظهر القلب نعم الحفظ كيكون ميموريزي باغ كور والثاني ضبط كتب. ضبط كتاب. كتاب ضبط كتاب ما هو أن يحفظ هذا الحديث في كتاب نعم في كتاب فلابد أن يكون عادلا إيه؟ يكون كذلك إلى ذو ضبط إلى ذو حفظ إما ضبط صدر إما ضبط كتاب أهم شيء سيك الحديث اللي محفوظ عنده ces trois شروط qu'on a vu qu'on vient de réviser il faut que le راوي les a فلهذا إلى نبه شيخ سعيد وهذه الثلاث شروط التي سبق ذكرها هي شروط يطلب وجودها وثبوتها أي في الراوي أو في الإسناد ويرى أن الضعف إما في الإسناد يعني انقطاع إما في الراوي ويرى هذا في الحديث الضعيف وبقي شرطان c'est quoi la différence entre les deux شروط qu'on va citer الآن et les trois شروط précédents الشروط ما سبق لازم أن نعم تكون موجودة والشرطان الأخيران كما سيت الآن فماذا أي سد شروط يطلب انتفاؤهما تفضل الأول لا تتصل بالله نعم فسيكون عبارة العبارة سيف لا بمغذية لأسهل سوف فسيلتي انتفاء الشدود انتفاء الشدود انتفاء أي فباكية ست شوز سيسال الشرط والشدود ما معنى هذا الشرط انتفاء الشدود أنا أعرف الآن هذا كان خالف الحظ أحفظ منه الشدود المخالفة انتفاء الشدود يفك سراوي ولو سيسان ثقة يفك خالف أحفظ منه من هو أوثق منه وأحفظ منه أو من هم أكثر منه أحسنت سيسان انتفاء الشدود الشدود المخالفة سراوي ولو سيسان ثقة سيخالف من هو أوثق منه أو دي رواة سون كثر Son hadith il deviendra chèvre et on le verra à part, inshallah ta'ala. Al-Khamis. Intifa'ul-illa. Ma ma'na hada al-shart? Il y a un défaut. Si elle est khafiyya wa taqdah fi sanad, comme on verra certains exemples quand on verra le hadith al-mu'al ou le ma'loul, et on verra des exemples fi hada, fi hada al-hal, ça fait du mal au sanad. Les deux derniers shurut, en apparence, le hadith il est sahih. Lianna ittasal al-sanad, al-rawi il est adl, dhabit. Lakin, ces deux shurut, les deux derniers, al-haqiqa, walou si l'apparence il est. Tu vois que le hadith il est sahih, s'il y a une de ces deux choses, le hadith il devient daif. Donc on peut citer un ta'rif après tout ça. Il l'a cité Cheikh Hussein, Cheikh Turki Kadalik, Cheikh Ibn Uthaymin Qablahum. Il cite un ta'rif sahih qui rassemble tout ça. Wahua. Naam, il l'a cité page 29, al hadith sahih. Qal wa istilahan, al hadith sahih. Il a cité al-abiyat, ثم commence le sharh, il cite fil lugha, ثم il cite istilahan. قال وهو ما اتصل اسناده بنقل عدل تام الضبط. C'est important, l'ضبط تام. لأن هو avec le Hassan. Al-hadith al-Hassan, il a du ضبط, لكن il n'est pas تام. قال, donc هو ما اتصل اسناده, c'est le premier sharh. بنقل عدل, deuxième sharh. تام الضبط, troisième sharh. عن مثله. Ça montre que tous les rois ils doivent être à la hadith sifa. Pas que un. Ça te montre que le sanad al-hukm il est à l'aqal. Ça c'est muhim que vous compreniez ça. C'est un isnad tadirawi. Tadirawi, matalam. Il y a des isnad, asanid nazila jiddan. Ka asanid al-imam al-tabarani fi al-ma'ajim haqqa. Ils sont nazil jiddan. Nazil, ça veut dire on va voir le hadith al-nazil. Il y a beaucoup de rawi. Il est loin du prophète Isa al-salam. Tu vas avoir 10 rawi, 9 ils ont ces shurut, 1 il est daif. Al-hukm est sur les 9 ou sur le 1 sur le 1. S'il est sur les 9, donc tu dis le hadith il est sahih. Non, sur le 1. Ah là. S'ils sont 9 daif et 1 imam, un fiqah. Non, le hukm il revient toujours sur al-da'f. Les mâles, ça contredit les shurut qu'on a vu. Mais en général, c'est ça. Tu as plusieurs a'imma, tu as des thiqat et tu as wahid fihi dha'f. On revient sur le wahid. Ça contredit les shurut qu'on a vu. Faqal huwa ma ittasala isnaduhu bi naqli 'adlin tam al-dhabt 'an mithlihi. Donc, stafadna na, c'est tous les rawi. Qal wa la yakun shadhan aw mu'allam. Hada, c'est ça le ta'rif. Fa mithl hada yuhfad. Et celui qui hafad al-manzuma, tamam. Tamam, lakin ce ta'rif, il t'aidera, si tu veux t'exprimer, tu veux montrer, Inch'Allah, ça te facilitera. T'as le ta'rif en tête, t'as plus qu'à expliquer. هذا ta'rif al-sahih, هو ما اتصل اسناده بنقل عدل تام الضبط عن مثله ولا يكون شادا أو معلّم. Faïda, avant de continuer, alhamdulillah, al-sahih, c'est compris. Bien sûr, il y a des choses à rajouter dans certains livres. Faïda, مراتب al-sahih. min hayth al-quwwa. Cheikh Hussein al-Hatibi dans son charh, il a cité cette faïda. Ay as-sahih min hayth al-quwwa, c'est pas tout au même degré. C'est tous des hadiths sahiha, ils ont tous les shurut, lakin min hayth al-quwwa, il y a un tertib que l'ulama il cite souvent. Donc on va citer l'ordre min hayth al-quwwa. Ay du plus qawi au moins qawi, c'est tous du sahih. La première martaba, ay le hadith aqwa ma yakun ma akhrajahu al-Bukhari wa Muslim, ay muttafaq alayh. Ça c'est la première martaba. Et il y a beaucoup d'exemples fi hada, muttafaqun alayh. Vous avez plein de hadith fi hada. Thumma, après le deuxième degré fi al-quwwa, ay dans le hadith al-sahih, man farada bihi al-Bukhari. Ay le hadith il est fi al-Bukhari faqat. Thumma, troisième degré, man farada bihi muslim. Le hadith il est fi sahih muslim faqat. Quatrième, ma kana ala shartihima. Et shurut al-Bukhari et muslim, vous les verrez dans des livres plus tard. Lakin un aperçu, ay, c'est les mêmes shurut que le Bukhari ou muslim. Les rawi, tu les trouves fi al-Bukhari ou muslim, rubbama. Et c'est le même shart. Ay, fulan, il a entendu un fulan, c'est des thiqat, des huffat, lakin il n'est pas cité dans le Bukhari. Ça te montre. Al-Hadith al-Sahih, ce n'est pas ce qu'il y a dans Al-Jami' al-Bukhari al-Sahih wa Sahih Muslim faqat. Là, ils n'ont pas rassemblé tous les Hadith Sahih. Là. Donc, juste après Man Farada bihi Muslim, ce qui est le Hadith qui est à la shartihima, à la shart al-Bukhari ou Muslim. Hadith, on trouve beaucoup vu Al-Jami' al-Sahih le Cheikh Muqbil, rahmatullah alayhi. Il cite le hadith, ثم il dit صحيح على شرطهما, أي على شرط بخاري ومسلم. بخاري ومسلم ils l'ont pas cité, لكن il est صحيح. Donc il vient en quatrième position في القوة. ثم ما كان على شرط البخاري. Cinquième niveau, cinquième degré, ما كان على شرط البخاري. Il n'est pas cité dans صحيح البخاري, لكن il a les mêmes شروط, il est صحيح. ثم ما كان على شرط مسلم. ثم il est على شرط مسلم. Ça c'est la sixième. ثم ما كان صحيحا عند غيرهما. ثم حديث صحيح لكن اللي بقى على شرط البخاري وشرط مسلم. مثلا اللي صحيح في سنن أبي داود في سنن الترمذي. اللي بقى على شرط البخاري ومسلم لكن اللي صحيح. Tous les narrateurs c'est des عدول. Ils ont du حفظ. لكن ils sont pas cités dans le Bukhari ولا dans مسلم. Et c'est pas على شرطهما. فهذا c'est le dernier degré. ثم ما كان صحيحا عند غيرهما وليس على شرط واحد منهما. فهذه مراتب القوة أي في الحديث الصحيح. من حيث العمل ساشانج غير نحن ساشان فائدة أي فائدة حديثية في الحديث. أما من حيث العمل الحديث لصحيح لصحيح يسوى متفق عليه يسوى في صحيح مسلم فقط يسوى في سنن أبي داود يلي با على شرط بخاري ومسلم تلو تخب عند النساء لسانسيال يالي شروط يلي صحيح لصحيح تلو أكسبت اتعمل به. فأحيانا نحن نكون حديث صحيح ومن با سيكوا سون شرط لسانسيال ونسيكي لصحيح. لكن في علم الحديث سيكون important هذا سيكون important دكونا تخميت لهذه الأمور. لماذا؟ لأن العلماء يسيت هذا. Cheikh Muqbil rahmatullah alayhi, vous avez remarqué que souvent il cite le hadith, il dit wa huwa ala shart al-imam muslim. Connaître ce shart c'est muhim. Nous on n'expliquera pas هنا, ça viendra dans les autres livres. Lakin c'est pour vous donner un aperçu. Ce ilm c'est pour comprendre kalam ahl al-ilm, khasatan dans ce domaine al-hadith. C'est muhim. Hatta tu lis le livre, tu sais pourquoi. Ama celui qui n'a pas étudié, là il fahm. Matalan il va lire le livre Cheikh Muqbil, Cheikh Muqbil rahmatullah alayhi, il dit hadha al-hadith sahih. Il ne sait pas ça veut dire quoi ala shartihima. Il a compris sahih, il sait que le hadith est sahih, mais ala shartihima, si quelqu'un lui demande, il ne pourra pas expliquer. Et nous, en tant que talabat al-ilm, on doit comprendre ça. On lit ces livres, walillahi alhamd, souvent, et rubbama des personnes, ils ont besoin de comprendre, on doit pouvoir expliquer ça. Inch'Allah, ce tertib, vous le reverrez dans des autres livres. Nous, faqat un aperçu. Kadhalik, on avait cité un exemple de hadith sahih avec une brève biographie des rois, des narrateurs. On vous explique bi sur'a comment utiliser هذا الكتاب التقريب تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. Le débutant il commence par ce livre pour rechercher les biographies des narrateurs. Wa huwa al-mukhtasar. Ce livre, كما قال الحافظ في المقدمة قال أما بعد فإنني لما فرغت من تهذيب الكمال في أسماء الرجال الذي جمعت فيه مقصود التهذيب للحافظ لحافظ عصره أبي الحجاج المزي هذا من أئمة الحديث الحافظ المزي يعني معروف يعني تعليق وقت شيخ الإسلام لتيمية حافظ كبير الحافظ ابن حجر استفاد منه. Donc, هذا الحافظ المزي, il a un livre qui s'appelle Al-Tahdib, في ترجمة الرجال. C'est une référence. Al-Hafid ibn Hajar, il a fait le Tahdib, Tahdib al-Kamal, في أسماء الرجال, de l'Hafid al-Mizzi. ثم قال, فالتمس مني بعض الإخوان أن أجرد له الأسماء خاصة. ثم, des frères, ils ont demandé à Al-Hafid ibn Hajar, أن التهذيب, في الحقيقة, c'est des livres, ils sont 15 volumes, 20 volumes, 30 volumes. Ils citent le Rawi et ils citent une longue tarjama. Certains frères, ils voulaient فقط les noms, est-ce que c'est un thiqa ou la? Al-Hafiz ibn Hajar, il a répondu, Tahdhib al-Kamal, il a pris tous les narrateurs, tous les rapporteurs de hadith, et il les a cités dans ce livre. Mukhtasaran. Il cite un rawi, مثلاً Malik ibn Anas, il cite sa kunya, Abu Abdillah, il cite مثلاً, il vient de Medina, et il cite un imam, Hafiz, thiqa, mutqin, etc. فقط. Et c'est important pour les débutants. Il y en a le débutant, si directement il va dans le tahdhib, il ne va pas comprendre. Il ne va pas comprendre. C'est long. Rubbama des istilahat qu'il n'a pas comprise. Ahsan, bal, min al-muhim, c'est de commencer par ce livre. Ce livre, pour bien le maîtriser, il faut maîtriser la muqaddima. Il y en a fait le muqaddima, il cite, awwalan, il cite al-tabaqat, al-maratib. Il y en a le roi, ce n'est pas tous les mêmes. La première martaba, matalan, c'est le sahaba. Quand tu vois. Il cite مثلاً عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه صحابي جليل. خلاص. Je sais que c'est la première مرتبه صحابي. C'est tous des عدود. T'as pas à chercher est-ce qu'il est صحيح ضعيف أبدا. C'est أئمة هذه الأمة. Et Allah سبحانه وتعالى les a zakki. رضي الله عنهم. ثم il cite la deuxième مرتبه الأئمة الكبار. مثلاً يدي أوثق الناس أو يغبت يدي ثقة أو ثقة حافظ كلمة مالك سفيان الثوري شعبة هؤلاء c'est le haut degré c'est le haut niveau في الحفظ ثم يسيد المراتب ثم على troisième مثلاً ثقة متقن il est pas au niveau في الضبط de l'imam مالك etc لكن ça reste un حافظ عدل ثقة متقن ثم يدرس حتى على دغنيه مرتبه سلي كذاب المنافقون زنادقه فسمهم دو كونيتر لي مراتب كي سيت لماذا لان هو كون تي سيتي الترجمه اون سيت مثلا ان اكزامبل مثلا حرف الزاي يسيت زارع ابن عامر العبدي صحابي tu sais que si tu trouves ce nom tu le trouveras juste avant Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ou avant sahabi si rapport dans notre sahabi c'est un sahabi فلا اشكال. Si tu trouves maintenant, tu cherches un autre, Hamad ibn Salama, Abu Salama, thiqatun abid, athbat al-nas fi thabit. Hada, Hamad ibn Salama, il est connu. C'est un grand imam, athbat al-nas fi thabit. Thabit al-Bunani, celui qui rapporte à Anas ibn Malik. L'essentiel, كذلك, c'est de comprendre les maratibs qu'on vient de citer. أن الحافظ يبغى تسيت هذا الشيفخ مثلا حماد بن سلمة يبغى تدير من كبار الثامنة أنت سيت أكوبري المقدمة تغوي الثامنة et tu vas voir qui cite des مراتب مثلا هنا il faut pas mélanger les مراتب من حيث الحفظ qu'on vient de citer صحابي ثم ceux qui ont une تسكية عظيمة أو ثق الناس ثقة حافظ ثم يسيت une deuxième catégorie c'est الطبقات. C'est par rapport à la génération. Maintenant, la première, c'est Sahaba. La deuxième, c'est Kibar al-Tabi'in. Il cite qu'Ibn al-Musayyib, rahmatullah alayhi. Il l'a qu'abou bi Sayyid al-Tabi'in. Il s'est marié avec la fille d'Abu Huraira, radiyallahu anhu. Al-Thalita, al-Tabaq al-Wusta, al-Tabi'in, al-Hassan, al-Basri, Muhammad ibn Sirin. La quatrième, Kibar, ou قال الطبقه التاليه جل روايتهم عن كبار التابعين هؤلاء la quatrième طبقه ils ont pris عن كبار التابعين مثلا الامام الزهري قتاده la cinquième مثلا الطبقه الصغرى منهم etc. Enfin, c'est important quand l'imam Al-Hafid ibn Hajar, il te dit Hammad ibn Salama, min al-thamina, si tu reviens à al-thamina, c'est tabaq al-wusta minhum ibn Uyayna ibn Ulayya. Il fait partie de la génération de Sufyan ibn Uyayna. Hada, c'est muhim. Juste après l'imam Malik, wa Sufyan al-Thawri. Donc Hammad ibn Salama, il fait partie de la génération de Sufyan ibn Uyayna. Il est élève de l'imam Malik. Ou de Sufyan al-Thawri, ils sont juste en dessous d'eux. C'est important, Hada. Hatta tu cernes, tu arrives à comprendre quelle génération il fait partie. Est-ce qu'il fait partie de la génération juste après Sahaba, bien après l'imam Malik, la génération de l'imam Ahmed? C'est important, Hada. Si tu as compris Hada, tu sais que d'alik, tu vas comprendre les alphas de Al-Hafid ibn Hajar. Maintenant, il dit Sadouq, il dit Thiqa. Maintenant, il dit Zaif, il dit Imam. Ah là, tu comprendras tout ça. Il l'a cité rahmatullah alayhi dans cette muqaddima. Kadhalik, c'est important de comprendre dans cette muqaddima, il cite des lettres. Matalan Hammad ibn Zayd, c'est un imam, il cite harf al-ayn. Ayn, ça veut dire le jama'a, tout le monde a rapporté de lui, le Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidhi wa Nasa'i wa l'imam Ahmed, tous ils ont rapporté. À chaque que c'est un thiqa, tu accepteras son hadith. Tu trouves un autre matalan, c'est harf al-kha faqat. Tu reviens à la muqaddima et tu trouves que harf al-kha c'est le Bukhari fi sahih. Tu peux trouver la lettre al-kha wa ta. Tu sauras que c'est le Bukhari ta'liqan. Vous verrez dans les études ta'liqan. Il l'a cité sans isnad. Tu trouveras que dalik al-ba wa al-kha. Tu sauras que c'est l'imam al-Bukhari, lakin fi l'adab al-mufrad. Il y a une différence entre l'adab al-mufrad et le sahih. Al-sahih, c'est sahih. Amma al-adab al-mufrad, il n'y a pas que du sahih. Il peut avoir un rawi, il est va'if. C'est important, ne pas te présumer de, tu vois, harf al-kha, tu crois que c'est le Bukhari, khalas, il est forcément sahih. Là, al-Bukhari dans le hafid, il y a trois choses. Il y a fi al-sahih, il y a ta'liqan, et il y a fi l'adab al-mufrad. C'est pas pareil. Al-Bukhari fi ta'liq, il n'a pas le même shart que fi al-sahih quand il cite l'isnad. Et fi l'adab al-mufrad, il n'a pas le même shart. C'est muhim, hada. Connaître les lettres. Matalan, huna, al-fa ou al-qaf. Tu sauras que c'est Ibn Majah, rahmatullah alayhi, c'est Qaf. C'est Sunan Ibn Majah. Et tu sauras que avec le Qaf, avec le Fa en plus, c'est fit tafsir. Tafsir Ibn Majah. Wa hakada. Elle est muhim la muqaddima. Muqaddimat al-Hafid ibn Hajar, elles sont muhimma jiddan. Que ce soit muqaddimat fi al-Fath, Sharh al-Bukhari, ou al-Taqrib ou al-Tahdhib. En réalité, il lakhass tout ce qu'il a mis dans le livre, il lakhass fil muqaddima. Si tu as compris le muqaddima, taqra fil kitab et tu comprendras. C'est muhim les introductions des livres, c'est muhim dit. Thumma, ce livre, si tu as compris cette muqaddima avec ses lettres qui citent, ses annotations qui citent, les maratib qui citent, si tu as compris ça, le livre, il est fait sous forme de, c'est comme un dictionnaire par ordre alphabétique. Enfin, quand tu cherches un rawi, tu cherches la lettre. Matalan Ahmed, ou Hammad, ou Malik, tu cherches la première lettre. Al-Alif, Al-Ha, Al-Mim. Illa fi harf al-Mim, Al-Hafid ibn Hajar, rahmatullah alayhi, il commence par Muhammad, par le nom Muhammad. Ay takriman wa ijlalan li nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé par son nom. Tous les rawis qui s'appellent Muhammad. Thumma, il commence par Al-Mim ou Al-Alif dans l'ordre. Hada, c'est muhim. Il y a ba'd al-ikhwan ahyanan, il cherche une lettre fi mim, il cherche Mohammed et il a du mal à comprendre. Il essaye de trouver dans l'ordre, il ne trouve pas. Là, Mohammed, c'est au départ. Thumma, il reprend l'ordre alphabétique qui est connu. Mim, alif, mim, ba, etc. Kadhalik, à la fin, il cite al-kuna. C'est un kunya. C'est un kunya. Matalan, Abu al-Hajjaj, Abu Abdullah. Tu cherches directement dans le kunya. Et dans le kunya, il va te donner le nom et il va te donner le numéro. Tu reviens au numéro. لأن الحافظ أو المحقق souvent il te renvoie au numéro, c'est le muhaqqiq, il te cite le numéro, tu reviens. مثلا الكنيا أبو عبد الله الإمام مالك أبو عبد الله, il te met un numéro, tu reviens et tu vas retomber dans la tarjama de l'imam Malik avec plus de détails. كذلك le nom des femmes, c'est à part. كذلك الألقاب, les surnoms, c'est un kitab n'a fait. Et ce kitab, c'est important de l'avoir dans les durus. Matalan dars sahih muslim, c'est important de l'avoir. Chaque fois un rawi, tu regardes. Et à force, vous allez voir que les rouats vont rentrer. Khasatan al-kibar. Kalimam Malik, Kalimam Ahmed, l'imam al-Bukhari, Shu'bah, Sufyan. Tout cela, à force. Tu connaîtras sa kunya, tu connaîtras son nom, tu connaîtras sa tabaka, tu connaîtras sa martaba. C'est un imam, c'est un hafid, c'est muhim. L'ana c'est nous, ça revient souvent de la salide. Si tu maîtrises ha'ula, il te restera les autres qui ne sont pas connus, tu fais les recherches. Hada c'est muhim, toujours avoir ce livre. Kadhalik, si le sheikh il donne une fa'ida, tu la notes. Maintenant il donne une fa'ida fi Hammad ibn Zayd. Anna l'imam Bukhari, malgré que c'est un grand imam, il n'a pas rapporté à Hammad ibn Zayd. Hammad ibn Salama, tu notes. Tu notes fa'ida l'imam Bukhari, il n'a pas rapporté. Hada c'est muhim. Hatta vous aurez des notes, beaucoup de notes dans le livre, et vous allez voir que c'est utile jiddan. Kadhalik, ahyanan ya khilaf. Ahyanan ya khilaf fi rawi. Un sheikh il dit. Son hadith il est accepté. Un autre il dit c'est un fiqh, un autre il dit là. Un tas tu notes. Si le shir chez lequel tu étudies il radjah, tu notes. Qal le shir, un as-sahih, c'est que son hadith il est accepté. Et ne pas se précipiter au départ. Par les noms, tu cherches et tu fais un hukm ala al-hadith. Là. Là, le hukm ala al-hadith ça demande des autres choses. Là, au départ, un tas c'est faqat. Ça t'aide à mémoriser les noms. Et tu vas voir qu'il y a des noms, ils ressortent souvent, tu vas les maîtriser. Amma al-hukm ala al-hadith, il faut beaucoup de choses. Là, au départ, on revient à hukm ahl al-ilm. Là, qui maîtriser ce genre de livre, c'est muhim. At-taqrib ou taqrib al-tahdhib lil-hafid Ahmed ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani rahmatullah alayhi. Il reste des choses par rapport au hadith sahih. Inch'Allah, vous les verrez dans le prochain livre. Al-ba'ith al-hafith lil-hafid ibn Hajar ou al-hafid ibn Kathir. كذلك النزهة وغير des autres choses. واليوم on continue, on est arrivé au حسن. قال الناظم رحمه الله تعالى وهو الإمام البيقوني والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت. الحسن il va démontrer الشارح أن في الحقيقة من حيث القبول من حيث الثبات c'est le même que Sahih. Il est accepté ou on a'mal bih. Il y a une différence faqat, comme a qal rijaluhu laka Sahih ishtaharat. Il n'y a qu'une différence, c'est que Al-Hassan, tu trouveras dans la chaîne de transmission, un rawi, il n'a pas le même dhabt que fait Sahih. Son dhabt, il est khafif. Amma, on avait dit Al-Sahih, al-dhabt, il faut qu'il soit tam. Amma, hada son hifd, il n'est pas comme celui de Sahih. Enfin, ils ont fait descendre sa martaba ila al-hasan. C'est ça le hadith al-hasan. Tous les autres shurut, c'est la même chose. Ittisal, al-adala, al-dhabt, c'est la différence, c'est fait dhabt. Faqat. L'autre dhabt tam, celui-là dhabt khafib. Thumma intifa' al-shudud, intifa' al-illa. C'est le même que sahih. C'est pour ça qu'on avait dit au départ, tu peux classer les hadiths en deux catégories. Sahih hasan, et tout ce qui est thabit, et dhaif, tout ce qui n'est pas thabit. Qala, al-hasan lughatan, dhid al-qabih. Je dis maintenant, nous wajhun hasan. Il a un wajh hasan. C'est deux opposés. Qal wa huwa ma tatma'innu ilayhi an-nafs wa la ya'baha al-qalb. Ça, c'est min hayth al-lugha. Quelque chose de hasan. Qal raji' al-lisan wa al-muqaddima li ibn al-salah. Qal wa amma ma'naha fi al-istilah. Faqad 'arrafahu an-nadhim huna bi ta'rif al-Khattabi fi kitab Ma'alim as-Sunan haythu qala ba'd ta'rifihi lis-sahih wal-hasan ma 'urifa makhrajuhu washtahara rijaluhu. Na'am, istafada min al-Khattabi. Qala wa ta'rif an-nadhim lahu tab'an lil-Khattabi ghayru jami' li shurut al-hasan. Limadha? Li'ann al-hasan fi al-haqiqa c'est les mêmes shurut que as-sahih. Fa huwa la'alla al-Bayquni la cite la différence. Il a appuyé sur la différence qu'il y a entre les deux. رجاله لك الصحيح اشتهر. Et في الحقيقة قوله كما سيأتي المعروف طرقا وغدت. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de شروط qui sont cités dans le صحيح. قال وتعريف الناظم له تبعا للخطاب غير جامع للشروط الحسن بل فيه ذكر جزء من شروطه وهي. Premier شرط. Donc, on va répéter ce qu'on a vu fait sahih, il y en a, c'est les mêmes shurut. قال الأول الاتصال. قال وهو ما أشار إليه الناظم بقوله المعروف طرقا. Il dit طرقا, ou il dit طرقا. والحسن المعروف طرقا وغدت, وبعضهم il dit طرقا بالسكون. قال المعروف طرقا ووجهه والإشارة إلى الاتصال بهذه العبارة أن الإسناد طريق المتن. كما قال ذلك الحافظ في النزهة. نعم. أي المعروف طرقا أي سو إسناد المعروف. سي المعروف سابجيخ كتكون الراوي سابجيخ كلي متصل. هذا. دونك البيقوني رحمه الله عليه كنت يسيت الحسن يدي المعروف طرقا وغدت اي الاسناد المعروف الاسناد الرواي معروفين لان السي يا انقطاع il peut pas être معروف on sait pas c'est qui ce rawi. Si il est ma'rouf, ça veut dire que chaque rapporteur, il rapporte un shaykhihi et il y a un ittisal. Amma l'explication de l'ittisal, on l'a vu fait shurut al-sahih. Qal wa l'isnad ibara an irruwa fama attasala sanaduhu kana ruwa kana ruwat isnadihi ma'roufoun. C'est ce qu'on vient de dire. Si ils sont ma'rouf, ça veut dire qu'il y a un ittisal. Si il y a un saqt, ils ne sont pas ma'rouf. On peut te demander maintenant, il manque un narrateur dans la chaîne de transmission, c'est qui? Tu ne pourras pas répondre. L'annahu, il y a un manque. قال وهو طريق المتن وقد عرفوا لأنهم لم يسقطوا هذا. قال فالحديث حينئذ معروف الطريق. Donc le kalam de Al-Bayquni, il est précis. قال والحسن المعروف طرقا وغدت. قال ومن قطع سنده كان غير معروف الطريق لأن الساقط من الرواة لا يكون معروفا. Donc vous avez compris là, vous avez compris que dans ce lof المعروف طرقا وغدت, vous avez compris que ici الاسناد il est معروف. Donc si il est معروف, c'est que les rapporteurs ils sont connus et chacun rapporte عن شيخه et c'est des ثقات des عدول. Donc ça englobe les deux chourouds qui sont fait sahih. اتصال الاسناد وعدالة الرواة. قال لا يكون معروفا وهو من طريق المتن لأنه من الاسناد والاسناد طريق المتن فيكون الحديث غير معروف الطريق والله أعلم. Donc ça c'est une explication de Cheikh Saïd pour te montrer أن son قول والحسن المعروف طرقا وغدت قوله المعروف طرقا ça englobe الاتصال لأنه هو المعروف. Il ne serait pas ma'rouf, on ne pourrait pas savoir qu'il est muttasil. Il y aura un saqt, il n'est pas muttasil. Voilà. Thumma qal wa thani wa thalata al-adalatu wa dhabt. Donc on a les trois surat de sahih pour l'instant. Ittisal al-sanad, al-adala wa dhabt. Qal wa huma ma ashara ilayhim al-nazim bi qawlihi wa ghadat. Rijaluhu laka al-sahih ishtaharat. Ay, rijaluhu ka al-sahih. Donc, ils ont du adl, udul et al-dhabt. Donc c'est comme le sahih. Il y a une différence. فقط قال لك الصحيح اشتهر. C'est pas au même niveau que le sahih. On va voir donc que la différence entre le hasan et le sahih c'est في الضبط فقط. أما الإسناد اللي متصل. الرواة c'est des عدول. لكن la différence c'est dans le ضبط. مثلا tu vas trouver un راوي son ضبط il est قوي. كالإمام مالك كسوفيان كشعبة كأبي بكر بن أبي شيبة. Tous ceux-là ils ont un حفظ il est ah oui. Tu vas trouver un autre, il n'a pas le même hifd que, lakin, c'est un thiqa, c'est un adl, il rapporte de son shir. Enfin, les ulama, ils vont appeler son hadith al-hasan. On va dire hadith hasan, limadan yanna fihi fulan. Son hifd, il n'est pas comme qawi comme les autres. Hada faqat. قال والمعنى أنها اشتهرت بالعدالة والضبط لكن لا كاشتهار رواة الحديث الصحيح. C'est ça la différence entre le hasan et le sahih. Si tu as compris le sahih, tu vas comprendre le Hassan. La différence, elle est fait de le Hassan, il est khafif de dhabt. Al-Sahih, il est tam de dhabt. Hada. Qal, wa dhalika anna ruwat al-Sahih atam dhabtan. Wa ruwat al-Hadith al-Hassan khafif de dhabt. C'est ça la différence. Qal, wa khifat dhabtihim hiya allati awjabat nuzul hadithihim min al-Sihha ila al-Husn. Pourquoi les ulama disent Hassan wa Sahih par rapport au dhabt? Si il a un dhabt khafif, il n'est pas comme ceux de la condition qu'on a cité dans le Sahih. Ils diront Al-Hadith, il est Hassan. Ils diront maintenant Surawi, il est Hassan Al-Hadith. Son Hadith, il est accepté, lakin, fi dhabt, il n'est pas comme dhabt Rijal al-Sahih. Qali dhalik, abbar al-Hafid. Quand al-Ulama, il cite al-Hafid, mutlaqan hakada, khasatan dans les livres de Hadith, al-Murad ibn Hajar. Qala wa lidhalik, abbar al-Hafid, fi ta'rif al-Sahih, annahu. بنقل العدل التام الضبط الحافظ في النزهة رحمة الله عليه il cite le تعريف du صحيح quand il a cité الضبط il dit تام il a rajouté le mot تام الضبط quand il cite تعريف الحسن قال وفي تعريف الحسن بنقل العدل خفيف الضبط il dit خفيف c'est pour te montrer la différence entre les deux تعريف c'est le même تعريف C'est le même ta'rif comme on va voir. Sauf que al-dhabt, pour sahih, tu dis tam al-dhabt. Pour al-hasan, tu dis khafif al-dhabt. Qala raji' al-nudha. Donc, c'est quoi les trois sourates qui sont les mêmes fi al-sahih ou al-hasan? On citera la différence après. Pour l'instant, les trois premiers sourates, c'est les mêmes. Il y a une différence dans un, on verra. C'est quoi les trois sourates? Le premier, Ittisal al-sanad. Le deuxième, Adalat man, Adalat al-rawi. Le troisième, Al-dhabt. La différence, c'est dans lequel? Al-dhabt. C'est quoi cette différence? Na'am, al-sahih il est tam al-dhabt, ou al-hasan il est khafif al-dhabt. Ahada. Thumma, les deux derniers sourates, c'est les mêmes. Qala, wa amma al-shurut allati lam yushir al-nazim ilayha fahuma shartan. L'awwal intifa' al-shudud, al-thani intifa' al-illa. Wa qad sabaq al-kalam alayhima fi al-sahih. Donc, les cinq shurutes, c'est les mêmes. Sauf que al-dhabt, al-hasan il est khafif al-dhabt, et al-sahih il est tam al-dhabt. قال والناظم هنا اقتصر على ذكر الحسن لذاته ولم يتطرق للحسن لغيره بشيء ومعرفته في غير هذا المختصر الهاي الزائد. ثم ذكر أخونا الشيخ تركي حفظه الله في كتابه أو في شرحه مثالا فخذوا باب خذوا الحديث الحسن ثم لا تخوزهم باج إلى ستين مثال. قال مثال للحديث الحسن لذاته. نعم مثال للحسن لذاته. قال مثال للحديث الحسن لذاته. On fera une brève explication la différence entre ذاته وغيره. قال الإمام أبو داود رحمه الله في سننه قال حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثني عبد السلام يعني ابن مطهر أبو ظفر قال حدثنا موسى بن خلف العمي عن قتادة ومعروف السدوسي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداء أي الصبح حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل ولا أن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة أي من ولد إسماعيل. الآن حديث قال الشيخ تركي حفظه الله ولو تتبعنا رجال إسناد هذا الحديث من أقرب المصادر وهو التقريب مثلا نجد ما يلي. الآن il va citer une ترجمة pour chaque راوي et on va voir نحن pourquoi il est حسن. قال محمد بن المثنى ابن عبيد العنزي هذا اللي معروف حدثنا محمد souvent الإمام البخاري الإمام مسلم il le cite. قال أبو موسى البصري المعروف بالزمن مشهور بكنيته نعم إلى مشهور بأبي موسى البصري قال وباسمه كذلك محمد بن المثنى اللي معروف ثقة ثبت من العاشرة من العاشرة سي لا طبقة العاشرة سي لا جينيراسيون ديال مسلم بخاري يقصد مسلم سي بلوس لا 11 قال وكان هو وبندر فرسي رهان ومات في سنة واحدة نعم il est معروف محمد بن المثنى العنزي c'est من أئمة الحديث donc هو الآن c'est pas la cause que le hadith il est حسن بل هو c'est من رجال il est على شرط البخاري ومسلم أي إلى un ضبط تام. قال عبد السلام ابن مطهر ابن حسام الأزدي أبو ظفر صدوق قال في الحاجية وخرج البخاري له في الصحيح قال من التاسعة قال موسى بن خلف العمي بتجديد الميم أبو خلف البصري صدوق عابد له أوهام من السابعة سلبي لسبب لأنه لدي أوهام أي أحيانا ستخم لكن إلي صدوق فالآن هذه الأوهام سموتر كسون حف كسون ضبط إلي باتهم دونك سبب موسى أبو خلف رحمة الله عليه يفون دير لحديث إلي حسن. قتادة ابن دعامة ابن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري ثقة ثبت. أنس ابن مالك صحابي جليل قال الشيخ مقبل رحمة الله عليه في صحيح المسند. الآن تأمل لحكم الشيخ مقبل بغبغة إسناد. قال الشيخ مقبل رحمه الله: هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح. طول رجال رجال الصحيح إلا موسى بن خلف وهو حسن الحديث. لماذا؟ لأنه ولد أوهام. انتهى كلام الشيخ مقبل. قال: فمن هذا يتبين لك أن في السند من وصف بكون حفظه ليس بالتام وهي مرتبة الصدق ونحوها، فمثل هذا يحسن العلماء حديثه. قال: وينزل من درجة الصحيح إلى درجة الحسن لخفة ضبطه. الآن vous avez compris c'est quoi la différence entre الصحيح والحسن. أما الحديث إذا ثابت، حديث هذا حديث أنس إذا ثابت، لكن tu comprends pourquoi العلماء disent حسن، pourquoi ils ont pas dit صحيح. لأن فيه موسى بن خلف، et موسى بن خلف صدوق له أوهام. Donc le niveau de صحيح il l'a pas. Ils ont fait descendre le hadith au niveau de الحسن. هذا الحسن لذاته، حسن لذاته. هناك الحسن لغيره. C'est quoi la différence? واحد يعرف؟ C'est quoi la différence entre le Hassan l'idate ou le Hassan l'igayri? Et ça vous détaillerez inshallah dans les prochains livres. Lakin, faqat pour comprendre limada ils disent Hassan l'idate. عند؟ لأن يأتي بجميع الطرق. كيف؟ الحسن يعني الحسن الغيري قد يكون ضعيف ذاته ويأتي بطرق أخرى يموت au niveau de الحسن. أحسن. Il cite un exemple, هنا. Je vous le lis, حتى vous comprenez أكثر. أولا في شرح شيخ حسين حفظه الله، il cite les deux أقسام. الحسن tu le divises en deux. حسن لذاته، حسن لغيره. الحسن لذاته c'est celui qu'on vient de voir. الحسن لذاته c'est celui que l'imam البيقوني l'a cité dans le بيقوني. في البيقوني il n'a pas cité الحسن لغيره. Donc tout ce qu'on vient d'étudier ensemble c'est الحسن لذاته. C'est quoi le tarif de l'Hassan l'idate? C'est le même que sauf illa al-dhabt. Al-Hassan l'idate, c'est quoi son dhabt? La. Al-Hassan. Khafif al-dhabt. C'est ça son short. Le short du sahih, c'est que al-dhabt il est tam. Hada. Al-an al-Hassan l'ghayri. Qala huwa kullu hadithin dha'ifin ينجبر ضعفه بمجيئه من وجه آخر من وجه آخر مثله. C'est un hadith. Il a une chaîne de transmission ضعيفة. Ils ont trouvé une deuxième chaîne de transmission ضعيفة. Une troisième ضعيفة. Le ضعف, bien sûr, une condition c'est que le ضعف il est yassir. C'est un petit ضعف. Avec toute cette طرق, le hadith il monte au niveau de l'Hassan. قال مثال للحديث الحسن غيره. Prenez الآن شرح شيخ تركي باج انا عندي باج 41 juste après le mithal qu'on a cité. قال حديث من سره ان يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. Celui qui veut qu'Allah subhanahu wa ta'ala quand il est en difficulté il exauce son dua, fa il oublie pas de faire dua في الرخاء, quand il est pas en difficulté. Ça c'est une des causes qu'Allah subhanahu wa ta'ala il accepte le dua. Il fait le dua quand il est en facilité ou en difficulté. Dans les deux cas, il fait le dua. Ama ba'd an-nas ta'lamoun anna quand il est fi hal ar-raha, il fait pas le dua. Quand il est dans un problème, une difficulté, il fait le dua. Qala rawahu Abu Ya'la qala haddathana Amr. Ça c'est une faïda, cet exemple qu'il vient de citer, anna ahyanan al-ulama yassit le hadith thumma yassit l'isnad. في الغالب الإسناد اللي سيتي أفون، لكن أحيانا السيت الحديث ثم للشيخ يدي قال يدي حدثنا فلان عن فلان عن فلان. أحيانا الإسناد اللي أبخل المد، لكن في الغالب الإسناد اللي أفون المد. قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر يعني جعفر بن إياس عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة فذكره. قال وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر. نعم شهر ابن حوشب إلى ضعيف. ماذا يقول الحافظ dans le taqrib selon l'ouvre de taqrib. الآن pour rechercher شهر tu prends حرف الشين. نقرأ ماذا قال في شهر. نعم قال شهاب شهر ابن حوشب الأشعري قال الشام مولى أسماء بنت يزيد بنت يزيد بن السكن قال صدوق كثير الإرسال والأوهام cette كثرة sa grand شهر ضعيف لأن il est كثير الإرسال والأوهام il n'en ضعف العلماء donc شهر il est ضعيف ça c'est le premier إسناد si tu aurais que ce إسناد le hadith tu peux pas dire il est حسن il est ضعيف il y a un deuxième إسناد الآن قال ورواه الحاكم في المستدرك أي le même hadith قال والطبراني في الدعاء من طريق عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي عامر الهاني عن أبي هريرة donc deuxième chaîne de transmission elle va jusqu'à Abu Huraira قال وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن صالح كاتب الليث كذلك لضعيف عبد أو معاوية ماذا قال عبد الله بن صالح قال نعم من طريق عبد الله بن من طريق عبد الله بن صالح عبد الله بن صالح هذا إلى ضعيف إلى معروف كاتب الليث قال ومعاوية صدوق له أوهام وأبو عامر الهاني اسمه عبد الله بن غابر قال الحافظ في التقريب لا بأس به si tu rassembles ces deux isnad الآن jusqu'à Abu Huraira tu t'aperçois que le ضعف il est يسير شهر بن حوشب il est ضعيف لكن c'est un ضعف يسير كذلك عبد الله بن صالح قال فالخلاصة أن الحديث بمجموع ما سبق يصلح للاحتجاج أي يصلح للاحتجاج أي avec toute cette chaîne de transmission العلماء disent الحديث لحسن لغيره أو يصلح للاحتجاج tu peux t'en servir comme حجة c'est مفهوم الآن الحسن is divisé en deux حسن لذاته pourquoi on dit حسن لذاته لأن il y a qu'une chaîne de transmission et الروا c'est des عدول إلا واحد منهم إلى il est khafif al-dhab fa ils ont dit hassan li dhati il n'y a pas besoin d'une deuxième chaîne de transmission limada ils disent hassan li ghayrihi li'annahu il a besoin d'une deuxième chaîne de transmission fa liada ils ont dit les ghayrihi il est hassan lakin avec une autre chaîne de transmission fa liada quand l'ulama ils disent hassan li ghayrihi tu t'apercevras qu'il y a plusieurs chaînes de transmission dhaif avec un dhaif avec un mursal avec un athar robama ils font monter ce hadith au niveau de l'hassan lakin li ghayrihi alors si on fait Si je vous demande la martaba, ay min hayt as-sihha, du hasan, du sahih jusqu'au hasan li ghayrihi, ça va donner quoi? En sachant que sahih kadhalik, il y a deux cas, vous verrez dans les prochains livres, sahih li dhati, sahih li ghayrihi. Ça va donner quoi comme tertib? Le premier c'est sahih li dhati. L'exemple qu'on a vu, innama al-a'malu binniyat, sahih li dhati, il n'a pas besoin d'un deuxième hadith. Le deuxième, sahih. عندك صحيح لغيره الصحيح لغيره c'est un hadith حسن لذاته avec un autre avec un autre ils le font monter من حسن إلى صحيح لكن il est pas صحيح لذاته il est صحيح لغيره troisième المرتبة حسن لذاته quatrième حسن لغيره c'est quatre ça rentre تحت الصحيح والحسن et tous c'est des hadiths ثابتة Tu peux t'en servir, que ce soit fait l'aqidah, fait le fiqh, c'est des hadiths thabita. Lakin, c'est bien de connaître les istilahat, hatta tu connais le niveau. Al-hassan, sahih li dhati, c'est pas comme le hassan li ghayri. Fi quwwa, abadan. Hada wallahu a'lam. On cite un mythal, les sahih li ghayri, hatta ça complète le dars. Awalan, c'est quel ta'rif qu'il a cité pour al-sahih li ghayri? نعم تعريف الصحيح لغيره قال الشيخ تركي قال هو الحسن لذاته إذا روي من طريق آخر مثله وسمي صحيحا لغيره لأن الصحة لم تأتي من ذات الإسناد فلهذا سيبقكم للصحيح لذاته فكان إسناد جدي صحيح لا هذا اللي دفن صحيح أن حسن لذاته أفريكا حسن لذاته سادن صحيح لغيره كما ضعيف أفريكان الضعيف أفريكان الضعيف سيسان ضعف يسير سادن الحسن لغيره ستة مثال قال مثال الحديث الصحيح لغيره قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ربعي بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي الحديث قال رواه أحمد والترمذي والحاكم وابن حبة وغيرهم من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة مرفوعا سيأتي معنا مرفوعا أي سلا باغول دو بروفيت عليه الصلاة والسلام قال وإسناده حسن لماذا قال وعبد الرحمن بن إسحاق هو القرشي المدني وهو صدوق كما في التقريب. دونك الحديث بخوة لحسن ذاته لأن فيه عبد الرحمن ابن إسحاق إلى صدوق إلى با أن ضبط تام بقنديز كل حديث إلى صحيح لذاته لا. دونك سحديث لحسن. قال ورواه ابن حبان من طريق حفص بن غياث عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة نحوه وإسناده حسن. دوزيام إسناد إلى حسن ذاته لبخومي حسن ذاته. قال ورواه البخاري في الأدب المفرد وابن خزيمة من طريق كثير ابن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة وكثير ابن زيد صدوق يخطئ والوليد صدوق. دونك توسا سي تخوا أسانيد حسن أبيك حسن أبيك حسن وصححه لغيره شيخنا العلامة المحدث مقبل الوادعي في صحيح المسند. شيخ مقبل avec ses trois chaînes de transmission il a dit ce hadith il est صحيح لغيره. لماذا on a dit صحيح لغيره؟ لماذا on dit pas لذاته؟ عندك؟ لأنه هو حسن لذاته لكن يأتي بمجموعة من الطرق. الطرق الطرق سيدي كوا؟ حسن حسن زاتوب جد تغلمو حسن. أما تودي بلوزيغ طرق سي دي بلوزيغ طرق صحيحة الحديث اللي صحيح لذاته. لا فودي بلوزيغ طرق لي طرق سي حسن حسن وحسن صدا صحيح لغيره حسن لذاته بيان سور. هذا والله تعالى أعلم. دونك الآن الحمد لله فزافي كومبخي الصحيح لذاته سي بخومي قسم كون أبي الصحيح لغيره. C'est le Hassan qu'on vient de voir aujourd'hui, plusieurs chaînes de transmission. Al-Hassan idatihi, c'est le qu'est-ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Al-Hassan l'ghayri, c'est va'if, avec un va'if, avec un va'if. Le va'if, il est yassir, munjabir, comme il y a qu'on dit, ça montre au niveau de l'Hassan l'ghayri. Hada, wallahu ta'ala, a'alam. Révisez pour la prochaine fois Al-Hassan. Et, incha'Allah, là, on lira d'autres exemples. De, si on peut lire de l'Jami' al-Sahih, Inch'Allah ta'ala, des autres exemples, fi al-Hassan, li dhatih li ghayri, sahih li ghayri, hatta, ça vous, Inch'Allah, c'est plus clair pour vous. Man indahu shay, aw naktafi bi hadha al-qadr. C'est wadih? C'est wadih. Et Inch'Allah, les détails, vous verrez dans d'autres livres. Akthar. Inch'Allah, le prochain cours, on verra al-hadith al-da'if. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.